préparé qu'on fait fun aller. Même si m'pa gen l'argent pour même pas prêter. Mon compère, moi fais en vision pour la mission. Moi passe chercher au pressé pour aller. Ma commère. Côté au diou pour n'aller. Tout le monde m'y balaye, nous aller. Même si m'a pas préparé, qu'on fait fort aller. Caris, Vanier, c'est Suzanne, nous aller. Même si m'a pas gagné l'argent, qu'on même pas prêté. Si vous avez dormi, levez, levez, levez. En Allemagne, c'est une belle parole là. Cause of my Yahweh.